ciel se ternit quand il a vu la couleur. Nos textes, ouais, je sais que ça ne reflète que nos êtres. Quand s'éternise, quand j'en subis la douleur, mes plaies, je crois que le diable y passe du gros sel. J'enrage comme il aime, je me fais pas trop d'idées. J'esquiverai pas l'attaque, je dois savoir l'encaisser. On finira blessé. Mais on trouvera la force de se relever pour les goumer. Calcule tout, dirige tout sa foi. Je calcule, je capte, il en fout mes choix. Je tape sur ce truc, ça paye pas les fins de moi. Je casserai le mur, quatre, c'est ma barre noire. Trop mal, on verra jamais l'Éden. Les démons s'amusent à faire rouler les dés. En tout cas, on n'aura pas la vie de rêve, vu que c'est le pognon qui peut nous faire décoller. Viens voir dans l'ombre, je m'éclaire à la malpac. Je reste en secrète pour éviter leur maglite. Je fais pas comme eux, donc y'a rien sur mon matelas. Je creuse un appel comme si je cachais des cadavres ou ta cache. Dans le flou, se mettre une balle, se proscrit. Je construis le puzzle, je gratte sur post-it. Prose plus meurtri, passer chaque crise. Si choisir ma partie, faut que je me décide. Il y a des démons silencieux, hein. Et qui se cachent. Il n'y en a pas un pareil. Personne ne s'avise à parler au diable, hein. Parce que si on lui parle, il va répondre. Donc aucun prêtre, aucune personne va se dire « Satan, je te l'ordonne, fais ceci ou fais ça ». Quand la conscience se met à paniquer, la confiance est fondée sur la vanité. Le cœur, la tête et la raison, les failles, nos récoltes ont connu des saisons meilleures. Les routes que l'on trace sont des choix qu'on a validés. Choisir les siens, savoir s'allier, puisque la vie n'a qu'un sens sur le sablier. J'irai la maquiller, franchir les paliers. Quand la conscience se met à paniquer, la confiance est fondée sur la vanité. Le cœur, la tête et la raison, les failles, nos récoltes ont connu des saisons meilleures. Les routes que l'on trace sont des choix qu'on a validés. Choisir les siens, savoir s'allier, puisque la vie n'a qu'un sens sur le sablier. J'irai la maquiller, franchir les paliers. Partir pour découvrir des frissons d'ailleurs. J'ai pas décidé d'être triste, la frénésie perd si je me perds en décibels et spleen. J'aimerais décimer des idées bancales et déchiffrer les signes. J'ai des ampoules au-dessus de la tête, on sache là de la poésie noire. On m'a dit que la vida est faite de choix, soit, mais je suis pas forcé d'y croire. Non, non, pour faire ce que j'ai à faire, y'a pas le time illimité. Je suis devenu ce que je fiche et même plus ce que je vise. La lune ou bien la tranquillité, des forces font des prises de catch time, je peux pas militer. Je suis pas écrivain, juste un gosse qui rêve que la folie perce. La prose libère, le maudit peine, tu un ghost qui erre dans un monde, vas-y, hostie, perdre. Sont comme médecinatiques, fa dessine des cernes sous mes yeux. J'ai la fréquence divine, prière comme somnifère. Les vipères prolifèrent sous les cieux. J'entends les anges me dire c'est quand qu'on descend. Souvenir plongé dans un feu incandescent. Innocent, je porte ma raison dans un lit de cendre. Pour le blé, il ferait couler des litres de sang. Je veux ma thune là, tout de suite. Quelle thune? J'ai pas de thune. T'as pas ma thune toi ou quoi? Je veux pas me donner ma thune. On va la chercher tout de suite la thune. Ah, vas-y, prends-la. Va te faire enculer. Je vais aller me dire, va me faire enculer. Qu'est-ce qu'il y a? Quand la conscience se met à paniquer, la confiance est fondée sur la vanité. Le cœur, la tête et la raison, les failles, nos récoltes ont connu des saisons meilleures. Les routes que l'on trace sont des choix qu'on a validés. Choisir les siens, savoir s'allier, puisque la vie n'a qu'un sens sur le sablier. J'irai la maquiller, franchir les paliers. Quand la conscience se met à paniquer, la confiance est fondée sur la vanité. Le cœur, la tête et la raison, les failles, nos récoltes ont connu des saisons meilleures. Les routes que l'on trace sont des choix qu'on a validés. Choisir les siens, savoir s'allier, puisque la vie n'a qu'un sens sur le sablier. J'irai la maquiller, franchir les paliers. Partir pour découvrir des frissons d'ailleurs. Et maintenant des saisons que j'attends de trouver des étoiles dans le feu d'artifice. J'ai traîné ma pénombre sur les toits où l'espace et le temps ne prennent pas de risques. J'en ai passé des heures à mater la trotteuse, à vanter ma bonté et en faire la fautive. Quand je masquais mes peurs juste derrière un panneau, appuyant sur le frein, accusant la routine. Je n'aime pas, j'ai des enchants. Quand le diable se déshabille, je reste là sous ses chansons. Même prendre fuite me paralyse. Et j'ai forgé mes fers sur le dos de mes pertes, aux dépens de ces rêves que je ne ferai plus. J'ai cloué toutes mes doutes sur une table de verre et depuis je m'étonne que tout s'écroule. Simple statue de cire dans un coin de souvenir, une silhouette effacé dans un angle mort. Juste un livre sans rature mais sans fin ni début, où les muses se perdent quand les diables dorment. Aucun pas de côté, ne surtout pas sauter. Seule la peur de tomber quand y'a pas de vide. Voir que le temps est compté par un roi sans royaume, puis rejoindre son drapeau pour compter avec lui. L'ombre en l'occurrence, c'est quelque chose qui est totalement inconscient. En fait l'ombre c'est tout ce que vous avez refoulé au fil des années de façon inconsciente, par crainte d'être rejeté par votre entourage ou par les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans votre éducation. Quand la conscience se met à paniquer, la confiance est fondée sur la vanité. Le cœur, la tête et la raison, les failles, nos récoltes ont connu des saisons meilleures. Les routes que l'on trace sont des choix qu'on a validés. Choisir les siens, savoir s'allier, puisque la vie n'a qu'un sens sur le sablier. J'irai la maquiller, franchir les paliers. Quand la conscience se met à paniquer, la confiance est fondée sur la vanité. Le cœur, la tête et la raison, les failles, nos récoltes ont connu des saisons meilleures. Les routes que l'on trace sont des choix qu'on a validés. Choisir les siens, savoir s'allier, puisque la vie n'a qu'un sens sur le sablier. J'irai la maquiller, franchir les paliers. Partir pour découvrir des frissons d'ailleurs.